C'est un jeune de l'heure. À la naissance des potions, vos dieux sont entrés dans son sang. Son visage vit sa main si aux urgences. Agnoc, son berger, a livré, sacrifié pour le pardon de ses excès. Dans son enfance, ma sœur dérivait dans le ruisseau qui quitte la mer pour s'installer sur les berges. Les ombres de chaque été nous reflétaient ses pas de sa main sur un parc abandonné. Innocent, reconnaissant, prêt à suivre leur jeu, je les virai de la salle, le jour brillait, son présage inquiétant. Elle m'a salué gracieusement avant de reprendre sa marche. Mon père l'a amené à l'hôpital le matin. Quand il est arrivé, il a joué avec d'autres enfants. Ses yeux me cherchaient, un médecin à la couverte, avant de l'emmener fané dans sa chambre. Recouvert d'une feuille d'orignon et de gazelle, nous avons vu son visage encerclé par des serpents. Aiguilles perçant ses bras douloureuses, électrodes perçant ses bronches. Les infirmières ont séparé Christina. Quand nous avions besoin l'un de l'autre, j'étais son guide qui l'habillait le matin. Elle m'a complice, qui me couvrait l'homme ou loin de moi. Cessez, flétri comme un champ sans la pluie. Le brouillard le plus épais depuis le bassin du Nil. Pour le pardon de ses excès, dansant dans mon fer dérivé, dans le ruisseau qui quitte la mer pour s'installer sur les berges. Les ombres de chaque été nous reflétaient ses pas de sa main sur un parc abandonné. Innocent, reconnaissant, prêt à suivre leur jeu, je les virai de la salle, j'en voyais sans présage inquiétant. Elle m'a salué gracieusement avant de reprendre sa marche. Mon père l'a mené à l'hôpital le matin. Quand il est arrivé, il a joué avec d'autres enfants. Ses yeux me cherchaient, un médecin l'a couverte avant de l'emmener faner dans sa la couverte. Avant de l'emmener faner dans sa vente. Armé au lait de gazelle, nous avons vu son visage en sacré teint le matin. Quand il est arrivé, il a joué avec d'autres enfants. Ses yeux me cherchaient un médecin le matin. Elle m'a complice, qui me couvrait l'ombre loin de moi. Cessé, flétri comme un champ sans la pluie, dans le brouillard le plus épais depuis le bassin du Nil. Le chagrin le plus ancien exhalait ses arômes froids. Son corps sans effusion de sang, globé, moite en bois. Naufragé sauvé de la haute mer, l'univers sais-tu, le soleil a brillé. Et elle confuse, quitte à ses yeux rieurs, la lueur rose d'une aurore passe. Comme son visage sombre devant ma fenêtre, comment sommes-nous allés alors à la Vierge Immaculée pour consolation. Les tisserands culins sales se sont débarrassés de mon annonce. Dans mon corps, chaque match était loin, c'était la dernière nuit des enfants. Nous prions pour leur avenir, nous évoquons les ténèbres. De retour à la maison le 13 mars, devant plier les arbres dans notre sillage. Comment ils m'ont parlé de repos, agréable à ceux qui souffrent. Mes poumons cédaient la place à un être convulsé. Devant une foule qui gémissait des mots anciens. Ainsi nous avons subi l'impuissance de son absence. Et expectoris uretia mortuorum, les angoisses partaient à sa recherche. Sa robe en dentelle, ses potes s'échappaient. La nuit est tombée sur elle, et je suis impuissant dedans. 20 ans plus tard, le soleil se couche, et son teint doré brille sous le ciel. De nouveaux efforts prolongent encore plus d'efforts. Chaque nuit, il me prend dans ses bras. La lune effervescente sur du néant, le firmament. Et Jeannette Christina revient avec son rire, il pleut. Et je dessine ma fenêtre avec, les papillons que le ciel nous a donnés. Avec des libellules, des jeux passés. Et ainsi tu me préserves, enfant. Dans les vies déconcertées par mes croyances, je serai le vent qui, dans ses changements, conforte chacun de ses secrets. Chaque jour, ton absence me couvre, presta en léthargie d'insomnie. Chaque jour, tu débordais de douceur le vide des jours incertains. Dans mon corps, chaque demande, dans mon corps, chaque match, c'est du roi. C'était la dernière doux d'estaux d'espoir. Que mes peines se déversent en délicatesse pour les ruminants gâtés de Vishnu. Personne ne périt jusqu'à ce que sa bien-aimée meure. Dans mon corps, chaque sa bien-aimée meurt. Dans mon corps, chaque mort, dans mon corps, chaque match était loin. C'était la dernière doux d'estaux d'espoir. Que mes peines se déversent en délicatesse pour les ruminants gâtés de Vishnu. Personne ne périt jusqu'à ce que sa bien-aimée meure. Chaque match était loin, comment qu'il y ait les arbres dans notre sillage. Comment ils m'ont parlé de repos agréable à ceux qui souffrent. Et tout le monde cédait la peur. face à un être convulsé de vol. Foule qui gémissait des mots aux anciens. Parce que nous avons subi l'impuissance de son absence et expectoris sur et sur mortuorum. Les angoisses partaient à sa recherche, sa robe en dentelle, ses bottes s'échappaient. La nuit est tombée sur elle, et je suis impuissant dedans. 20 ans plus tard, le soleil se couche, et son teint doré brille sous le ciel. De nouveaux efforts prolongent encore plus d'efforts. Chaque nuit, il me prend dans ses bras, la lune effervescente sur du néant, le firmament. Et jamais Christina revient avec son rire. Il pleut et je dessine ma fenêtre avec les papillons que le ciel nous a donnés. Avec des libellules que je passais. Et ainsi tu me préserves, enfant, dans les villes déconcertées par mes croyances. Je saurai le vent qui, dans ses changements, conforte chacun de ses secrets. Chaque jour ton absence me couvre, cresta en léthargie d'insomnie. Chaque jour tu débordais de douceur, le vide des jours incertains. Le vide des jours incertains. Le vide des jours incertains.